Néhémie chapitre 10. Or ceux qui apposèrent leurs seins furent Néhémie, qui est à Tiersata, fils de Achalja, et Sédécia, Seraja, Azarja, Jérémie, Passur, Amarja, Malkija, Atu, Sébanja, Maluch, Arim, Mérémoth, Obadja, Daniel, Guineton, Baruch, Mesulam, Abija, Mijamin, Maasia, Bilgaï et Semaja. Ce furent là les sacrificateurs. Des Lévites, Jésua, fils d'Azanja, Binui, d'entre les enfants d'Enada, et Kadmiel. Et leurs frères, Sébanja, Odija, Kelita, Pelaja, Anan, Mishaï, Rehob, Azebja, Zakur, Serebja, Sébanja, Odija, Bani et Beninu. Des chefs du peuple, Paro, Paatmoab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asga, Bebaï, Adonija, Bigbaï, Adin, Athé, Ezechia, Azur, Odija, Azom, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Makpia, Mesulam, Ezir, Mesézabéel, Tsado, Jadua, Pelagia, Anan, Anaja, Osé, Ananja, Azub, Loé, Pila, Sobé, Réom, Azabna, Maazéja, Aïja, Anan, Anan, Maluch, Arim et Baana. Quant au reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays pour faire la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, adhérèrent entièrement à leurs frères, les plus considérables d'entre eux, et prêtèrent serment avec exécration, et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, qui avait été donnée par le moyen de Moïse, serviteur de Dieu, et de garder et de faire tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses jugements et ses ordonnances, et de ne donner point de nos filles au peuple du pays, et de ne prendre point leurs filles pour nos fils, et de ne prendre rien le jour du sabbat, ou tel autre jour sanctifié, des peuples du pays, qui apportent des marchandises et toutes sortes de denrées le jour du sabbat, pour les vendre, et d'abandonner la septième année, avec tout le droit d'exiger ce qui est dû. Nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner chaque année, la troisième partie d'un cycle, pour le service de la maison de notre Dieu. Pour les pains de proposition, pour le gâteau continuel et pour l'holocauste continuel, et pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes solennelles, pour les choses saintes, et pour les offrandes pour le péché, afin de réconcilier Israël. Enfin, pour tout ce qui se faisait dans la maison de notre Dieu, nous jetâmes aussi le sort touchant le bois des oblations, tant les sacrificateurs et les lévites, que le peuple, afin de la mener dans la maison de notre Dieu, selon les maisons de nos pères, et dans les temps déterminés, d'année en année, pour brûler sur l'autel de notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Nous ordonnâmes aussi que nous apporterions dans la maison de l'Éternel, d'année en année, les premiers fruits de notre terre, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, et que nous rachèterions les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et que nous amènerions en la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos bœufs et de notre menu bétail, et que nous apporterions les prémices de notre pâte, nos oblations, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile au sacrificateur, dans les chambres de la maison de notre Dieu, et la dîme de notre terre aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes par toutes les villes de notre labourage, et qu'il y aurait un sacrificateur, fils d'Aaron, avec les Lévites, pour dîmer les Lévites, et que les Lévites apporteraient la dîme de la dîme en la maison de notre Dieu, dans les chambres, au lieu où étaient les greniers. Car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi devaient apporter dans les chambres l'oblation du froment, du vin et de l'huile, et là étaient les ustensiles du sanctuaire, et les sacrificateurs qui font le service, et les portiers et les chantres, et que nous n'abandonnerions point la maison de notre Dieu.